très vite, il m'a pris la tête. J'ai compris, c'était un drôle à tête. Qui parle souvent un peu de lui, ce qui fait le jour et ce qui fait la nuit. Il parle souvent un peu de lui, il parle toujours bien de lui. Il a drôle la tête, il est toujours au téléphone. Il a drôle la tête, mais t'en as besoin, y'a plus personne. Et pour trouver fille, il fait claquer ses doigts. Fais son sourire, toi tu fais tais-toi. Tu peux rien dire quand il est là. Il tourne autour de ta nana. Ça c'est un drôle des animaux. Ça c'est un drôle des animaux. Ça c'est un drôle des animaux. Ça c'est un drôle des animaux. Il a drôle la tête. Il est toujours au téléphone. Il a drôle la tête. Ouais, t'as besoin, y'a plus personne. Je danse, il m'a dit je chante, il m'a dit je joue un peu de tout. Il m'a dit je chante, il m'a dit je danse, il m'a dit je joue un peu de tout. Et la batterie, piano, guitare, saxo, la basse et puis aussi les cuivres. Batterie et piano et guitare et saxo et la basse et puis aussi les cuivres. Ça c'est un drôle des animaux. Ça c'est un drôle des animaux. Ça c'est un drôle des animaux. Ça c'est un drôle des animaux. Il a drôle. Il a gros la tête. Ouais, t'as pas besoin, y'a plus personne. facem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed vidam ecclesia tue, neamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guarnare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Tua. Corinthians in seculum seculorum.